Comme nous l'avons vu la semaine dernière, Jacob avait passé 20 ans chez son beau-père Laban. 20 années d'épreuves, de déboires professionnels, de problèmes familiaux, d'expériences amères, de larmes. Mais aussi 20 ans d'éducation de la part de Dieu. Et à la fin de ces 20 ans, Dieu s'est adressé à Jacob dans un songe pour lui dire « Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Genèse 31, 13. Alors Jacob a discrètement commencé de préparer son départ. Il n'a pas osé en parler à Laban. Son beau-père ne ferait-il pas n'importe quoi pour empêcher le départ de celui qui avait amené la prospérité dans ses affaires? N'était-il pas capable de retenir ses filles ou ses petits-enfants pour empêcher que Jacob ne le quitte? Comme chaque année à pareille époque, Laban est allé tondre ses brebis. Pour ce faire, il a dû s'absenter de la maison. C'était l'occasion rêvée. Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Genèse 31, 20 à 21. En trompant son beau-père, Jacob ne fait que lui rendre ce qu'il lui a fait tant de fois. Et pourtant, est-ce là ce que le Seigneur désire de la part d'un croyant? Ah, Jacob devra encore beaucoup apprendre. Et au moment précis où il trompe son beau-père, sa bien-aimée Rachel use de tromperie à son égard. Sans rien dire à son mari, elle vole les idoles domestiques de son père, Laban, et les cache dans ses bagages. Quelques jours se passent. Laban découvre la fuite de Jacob. Plus, il constate que ses idoles, appelées Téraphins, ont également disparu. Pour Laban, cette disparition est plus grave encore que le départ de son gendre et de toute sa famille. En effet, on a découvert dans le code d'Amourabi, ce registre de lois civiles en cours en Mésopotamie à l'époque, une ordonnance qui stipule que lorsqu'un homme désire transmettre son héritage à ses descendants, il leur remet en geste symbolique les idoles domestiques. Pourquoi Rachel a-t-elle dérobé ses idoles? Parce qu'elle a voulu soutirer à son père ce qu'il ne lui aurait probablement jamais accordé, à savoir le droit de propriété sur tous ses biens. Et si Laban s'est mis en colère et a poursuivi Jacob dans des intentions belliqueuses, c'est parce qu'il était sûr que Jacob était le voleur de ses titres d'héritage. Mais Dieu l'a arrêté en route. Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » Genèse 31, 24. La rencontre entre le beau-père et le beau-fils a néanmoins été houleuse. Laban n'a pas tardé à poser la question qui lui tenait tant à cœur. « Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ?» Genèse 31, 30. Jacob ne sait toujours pas que Rachel a volé les idoles domestiques de Laban. Et elle les dissimule de telle façon que, malgré une fouille systématique, Laban ne les trouve pas. Profondément déçu, Laban change alors de tactique. Il propose à Jacob une alliance. Le beau-père et le beau-fils élèvent ensemble un monument de pierre. Laban s'engage à ne pas poursuivre Jacob au-delà de ce monument. Quant à Jacob, il promet de ne pas revenir en arrière en deçà du monument. Peu importe maintenant la disparition des Téraphins, Laban a ce qu'il a voulu, Jacob ne fera jamais valoir de prétention sur ses propriétés de Paddan Aram en Mésopotamie. Après cet incident, Jacob pourra poursuivre sa route, mais il a derrière lui un monument qu'il appelle le monceau du témoignage, et ce monument marque pour lui la rupture définitive avec sa vie passée, c'est-à-dire l'engagement de ne plus jamais revenir en arrière. Chers auditeurs, quand nous emboîtons le pas sur le chemin de la vie chrétienne, il arrive que les circonstances nous obligent à tourner le dos au passé et à nous porter résolument en avant. Les liens, les relations, les amitiés contractées avant notre conversion peuvent devenir un obstacle à notre marche en avant. Aussi, Dieu permet-il parfois certaines ruptures. On dit que lorsque les premiers pionniers ont franchi l'Atlantique pour s'établir en Amérique du Nord, ils ont brûlé leurs bateaux pour que, quelles que soient les difficultés qu'ils pourraient rencontrer, ils n'aient plus la possibilité de revenir en Europe. Quel enseignement pour nous! Combien de chrétiens regardent en arrière ou regrettent les prétendus avantages de la vie mondaine? Tout simplement parce qu'ils ont de la peine à couper court avec ce que Dieu réprouve ou à rompre avec les habitudes du passé. Et pourtant l'Écriture dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 62. Et rappelons aussi le témoignage de l'apôtre Paul « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but » pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Lorsque Jacob a élevé ce monument du témoignage, il ne se doutait pas qu'un grave problème l'attendait au lendemain de cette expérience. Tandis qu'il se rapprochait du pays de Canaan, il trouva bon de prévenir son frère Ésaü de son retour. Sans doute son frère avait-il oublié toutes ses rancunes et allait-il se réjouir de sa prochaine arrivée. Mais ce fut tout le contraire. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Genèse 32, 6. La situation de Jacob n'est guère enviable. Il ne peut pas reculer car le monument du témoignage le lui interdit. Et devant lui, son frère marche à sa rencontre avec 400 soldats. Jacob est pris entre deux feux. Derrière lui, la colère inassouvie de Laban, son beau-père. Devant lui, la menace fulgurante d'Ésaü qui s'est promis de le tuer. Que faire? Il faut parfois être confronté à une situation extrême pour apprendre à crier à Dieu. Jacob ne peut ni reculer ni avancer. Mais il peut regarder au-dessus de lui, à Dieu, qui a encore la solution de tous les problèmes. Chers auditeurs, peut-être êtes-vous acculés par une situation désespérée. Peut-être tremblez-vous sous la menace d'un danger précis. Vous ne savez plus où vous tourner. Eh bien, regardez en haut, au-dessus des problèmes qui vous dépassent. Jésus-Christ, votre Seigneur, sait comment résoudre votre problème. Il a une solution toute prête à votre disposition. L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de la ville de Philippe « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Revenons à Jacob. Très effrayé par la nouvelle qu'il vient d'apprendre, il prend tout de suite des dispositions de sécurité. Il partage son bétail en deux troupeaux, pensant que si l'un tombe entre les mains d'Ésaü, l'autre pourra échapper. C'est une mesure de prudence humaine, c'est l'expression de la sagesse propre de Jacob qui ne compte pas encore sur Dieu. Cependant, Jacob se sent si vulnérable qu'il éprouve encore le besoin de prier. Écoutons-le. Tandis qu'il se met à genoux. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Genèse 32, 9 à 12. Oh, combien il est bienfaisant d'entendre Jacob dire à son Dieu, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. C'est toujours bon signe quand l'homme se sent petit devant la grâce de Dieu. Et la prière de Jacob va contribuer à mettre la paix dans son cœur. Plus, elle lui inspirera des dispositions qu'il n'avait jamais éprouvées à l'égard de son frère Ésaü. Après avoir prié, il annule les arrangements pris précédemment. Au lieu de partager son bétail en deux troupeaux, il en constituera au moins 6, dont 5 seront des présents destinés à Ésaü. Dans le passé, Jacob avait successivement volé à son frère le droit d'aînesse et la bénédiction. Maintenant qu'il a rencontré Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans son cœur et il fait des cadeaux à ce frère. Et pas n'importe quel cadeau. Premier troupeau, 200 chèvres et 20 boucs. Deuxième troupeau, 200 brebis et 20 béliers. Troisième troupeau, 30 chamelles avec leurs petits. Quatrième troupeau, 40 vaches et 10 taureaux. Cinquième troupeau, 20 ânes et 10 ânes. Bien sûr, il a fallu mettre les ânes en dernier, car ce sont eux qui sont les plus difficiles à mener. Mais ce n'est pas là l'important. Il semble que Jacob est rempli de l'esprit de l'Évangile, de cet esprit dont parlait le Seigneur dans le sermon sur la montagne lorsqu'il disait « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 40, 44 et 45. Chers auditeurs, vous trouvez-vous entre deux feux, sous la menace d'un Laban qui vous poursuit et d'un Ésaü qui vient à votre rencontre? C'est le moment de prier. C'est le moment d'être rempli de l'esprit du pardon. Et c'est le moment de faire l'expérience de la paix de Dieu qui surpasse intelligence et qui est capable de remplir votre cœur. Suivez ainsi les traces de Jacob et que le Seigneur vous bénisse.